Bonjour, il est midi sur Radio Campus et vous écoutez Angle d'attaque. Germain, René, Benjamin, Florent et Christian, nous sommes là, tous présents pour Angle d'attaque, l'émission de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Tiens justement, à propos des transactions, pas financières, monétaires celles-là. C'est pas mal non plus. Selon la Banque des règlements internationaux, la BRI, les transactions sur le marché d'échange se montent à 5300 milliards de dollars par jour. Oui René, ça fait moins en euros. 3290 euros par jour. L'ABRI précise en outre que 70% des échanges se font à moins de 7 jours et que plus de la moitié des échanges est réalisé par des fonds spéculatifs, des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement et des petites banques. Tu vois pourquoi les petites banques, je ne sais pas. Encore un chiffre, le dernier. 9% des transactions concernent l'économie réelle et on aura tous tout compris à quoi servent les transactions aux spéculateurs patentés. Rappelons d'un mot, la taxe Tobin, d'où est né notre mouvement ATTAC, visait ce marché dont je viens de parler, le marché des devises. Il y a aussi et surtout le marché des transactions financières, les marchés sur les titres, on en reparlera forcément. Bon allez, aujourd'hui, nous allons parler de gaz de schiste, de gaz de houille et de gaz de couche. C'est notre premier volet, il y en aura trois, consacré à la nécessaire, l'indispensable transition écologique, si mal partie dans notre pays. Alors, le ministre de l'écologie et tout le gouvernement, appuyé tout récemment par le Conseil constitutionnel, tout ce monde est contre l'exploitation de ces ressources non conventionnelles, comme on dit. Alors, question. Pourquoi y a-t-il des gens à ATTAC et pas mal d'autres assos pour dire qu'il y a du danger à exploiter les gaz, et particulièrement les gaz de houille et les gaz de couche? Eh bien, cette question, on va la poser à notre amie Christine Poilly. Bonsoir Christine. Bonsoir Christian. Prof de maths, mais qui pour notre émission sera surtout objecteuse de croissance et porte-parole du collectif Houille, non au gaz de schiste, c'est imprononçable ton truc, et membre d'ATTAC de Villeneuve-d'Ascq. Nous saluons au passage nos amis américains, ils sont toujours nos amis les américains, amis donc de la NSA qui doivent être en train d'ajuster leurs grandes oreilles, parce que les USA avec leurs 500 000 puits d'exploitation de schiste vont avec Christine en prendre plein la lampe, je devine. Lampe à pétrole, faut-il le préciser. Pour dialoguer avec Christine, René la science, même que vous allez comprendre pourquoi j'appelle la science, René. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Campus le 8 novembre. Un jingle court lancé par Germain et on passe à l'actualité d'ATTAC avec un décalage d'une semaine. Attention, c'est René qui va parler. Tu habites rue de la Madone, une maison qui se dérange, une maison qui bouchonne et qui pleure à grosses planches. L'escalier colimaçonne, c'est pas grand, non, oh non, mais y'a de la place. Tu habites rue de la Madone et moi je viens pour le gaz. Tu as un boudoir plein bouddha, les bougies dansent dans leur bougeoir. Ça sent bon, c'est sans histoire, ça ruisselle de ta feta, c'est rempli de photos de toi qui sommeille devant la glace. Tu as un boudoir plein bouddha et moi, je viens pour le gaz. Tu as un vrai divan de roi, un vrai divan de diva, du porto que tu rapportas de la porte des lilas. T'as un petit chien et un grand chat, un phono qui joue du jazz. Tu as un vrai divan de roi et moi, je viens pour le gaz. Tu as des seins comme des seins soleil, comme des fruits, comme des reposoirs. Tu as des seins comme des miroirs, comme des fruits, comme du miel. Tu les recouvres, tout devient noir. Tu les découvres et je deviens Pégase. Tu as des seins comme des trottoirs. Et moi, je viens pour le gaz. Et chez toi, il y a le plombier, il y a le bedeau, et il y a le facteur, le docteur qui fait le café, le notaire qui sert les liqueurs. Il y a la moitié d'un artilleur, il y a un poète de Carpentras, il y a quelques flics, oui, et puis la main de ma soeur. Et tout ça est là pour le gaz. Allez-y donc tous, rue de la Madone, c'est pas grand, non, mais il y a de la place. Allez-y donc tous, rue de la Madone, et dites bien que c'est pour le gaz. On passe aux actualités d'attaque. René, je suppose que tu vas nous parler du plan national d'abord. Tout à fait. Tout d'abord, un communiqué d'attaque et d'high-tech du 18 octobre 2013. L'accord de libre-échange Union européenne-Canada est inacceptable. Cet équivalent de l'accord de libre-échange avec les États-Unis représente une menace du même ordre pour la souveraineté politique et la démocratie. De plus, hormis les négociateurs et hommes d'affaires, personne n'a eu accès aux textes négociés, malgré les appels des organisations européennes et canadiennes. Bel exemple de transparence. En effet. Autre communiqué d'attaque France sur la loi de programmation militaire 2014-2019, débattue actuellement au Parlement. L'austérité ne concerne pas toutes les dépenses. Si les réductions budgétaires frappent durement les services publics, les moyens de la guerre seront préservés pour les 6 prochaines années. Constants jusqu'en 2016, ils augmenteront ensuite progressivement jusqu'en 2019. Ah, bref, enfin, on va pouvoir se payer des drones. Bref, tout à fait. Comme dit le communiqué, Hollande tourne le dos à Jaurès et emboîte le pas à Sarkozy. Alors, il y a la fête bientôt. Ouais. Oui. Pour rappel, donc, attaque fête ses 15 ans, ce sera le vendredi 15 novembre de 18h à 23h30 au cabaret sauvage Parc de la Villette à Paris, avec Christophe à l'évêque, Fantasio, HK les déserteurs, Emel Matlouti. La soirée est ouverte au public, tarif est de 20 euros, avec un tarif réduit à 15 euros pour les étudiants et les chômeurs. Bon, et puis il se passe des choses un peu bizarres du côté de Paris, on parle de violence, non? Ah oui, alors ça, le samedi 19 octobre, des violences policières ont eu lieu contre les mal logés à Paris. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de vous communiquer toutes les informations concernant les actions auxquelles participe Attaque. Le 19 octobre, en plus de la journée mondiale contre la fracturation hydraulique, c'était aussi... On en parlera tout à l'heure, hein. Oui, c'était la journée européenne pour le droit au logement. Et à Paris, cela s'est très mal passé. Vers 15h, alors que les 200 personnes rassemblées se préparaient à quitter la place de la République, les CRS leur ont soudainement coupé la route, sans sommation. Il s'en est suivi une bousculade et des violences policières qui ont visé principalement des mères de famille. Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole du DAL, droit au logement, a été roué de coups de pied. Il a eu 2 côtes cassées. Bien sûr, pas un mot dans les médias. Réprimer de manière aussi brutale un rassemblement parfaitement légal, s'acharner sur les plus pauvres, cibler une des figures les plus connues du mouvement social pour répandre la peur, ce qui s'est passé ce samedi à Paris est scandaleux, inacceptable, indigne d'un gouvernement qui ose se prétendre encore de gauche. Ce qui m'amène à faire un parallèle avec la situation des Roms, ici dans l'agglomération lilloise. Une centaine d'entre eux environ, évacués de leur campement de Villeneuve-d'Ascq, n'ont eu d'autre solution que de demander asile à la Bourse du Travail à FIV, où les syndicats les ont hébergés. Ce qui a frappé les membres du collectif Solidarité Rome lors de l'évacuation, c'était de voir la police s'emparer des caravanes et laisser les gens sur place, abandonnés à eux-mêmes. Actuellement hébergés mais démunis de tout, suite à la saisie de leur caravane, ils auraient besoin de nourriture, notamment de fruits et de légumes, de couvertures et de vêtements chauds. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à venir déposer vos dons à la Bourse du Travail, 174 boulevard de l'Usine, à FIV. Toutefois, Florent a de nouvelles informations à ce sujet. Oui, à l'heure où on enregistre, donc le 8 novembre, ils ont été expulsés de la Bourse du Travail. Et donc, campe sur le parking en face. On ne sait pas encore pour longtemps parce qu'il y a beaucoup de flics autour. Mais ils ont toujours besoin de nous. Donc, n'hésitez pas à venir les soutenir et apporter de ce qu'ils ont besoin. Merci pour ce message, Florent. Merci, Florent. Je continue avec les activités locales. Jana Sanskriti, le théâtre politique des paysans indiens. La conférence de Sanjo Ganguly, le lundi 4 novembre à la maison de quartier de Vauban et Kern, a rassemblé une cinquantaine de personnes. Sanjo Ganguly nous a expliqué en détail la force de son théâtre, fait par et pour les paysans indiens, pour adresser aux autorités leurs critiques et leurs revendications. Oui, et j'ajoute leur critique de la mondialisation à partir de leur terre, de leur propre expérience de paysan. Oui, également. Donc, et le collectif O, en est. Oui, nous passons au collectif O. Alors, la semaine de la solidarité internationale, qui commence bientôt, je crois, aura pour thème l'eau. Nous y intervenons, une manière de mieux faire connaître le collectif en dehors des cercles militants. C'est la poursuite de notre objectif de meilleure visibilité. Donc, le 18 novembre à 19h, au Biplan, débat et projection du film « Water Makes Money ». Avec la participation de Jean-Luc Touly. Qui est toujours un peu spectaculaire, mais surtout très intéressant sur la thématique. Tout à fait. Et le 19 novembre, au lycée hôtelier Michel Servet, le plaidoyer de l'eau. Alors, plusieurs associations, dont Averse, Xipi, Amitié Lille Naplouse, invitent des organisations à un repas débat pour exposer la situation de l'eau dans un pays de leur choix. Le collectif étant invité, cinq d'entre nous parleront de la situation en France, des incohérences et des contradictions de la politique de l'eau. Le vendredi 22 novembre à 20h, à la Maison Folie de Oisem, comme je l'ai déjà annoncé la fois précédente, c'est la représentation théâtrale Démocratie en collaboration avec le Théâtre de l'Opprimé. De Jean-François Martel. Tout à fait. D'autres manifestations sur le thème de l'eau sont prévues durant cette semaine. Nous vous invitons à y participer. Ensuite, le lundi 25 novembre à 19h, Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais, rue de Courtrai à Lille. Alors, nous invitons des journalistes, et il y aura également intervention de Jean-Luc Touly. Nous espérons ainsi remobiliser la presse autour de la question de l'eau et de l'action du collectif. C'est ouvert au public. Le 7 décembre, Fête de la Liberté, organisée par le PCF de Roubaix, qui nous invite à venir débattre et tenir un stand. Alors, d'autres actions envisagées. Un rassemblement devant le siège de LMCU lors du prochain conseil communautaire, le vendredi 15 novembre. Signature après l'avis de l'ensemble des organisations membres du collectif de l'appel commun. L'eau en jeudi municipal, soutenu par la Fondation Copernic. Et enfin, des projets comme des actions de proximité, notamment en direction des locataires victimes de facturations fantaisistes et injustifiées. Très bien, René. Merci pour ces précisions et la clarté de ce que tu nous racontes. On va donc passer à notre entretien avec Christine. Et c'est encore toi qui vas t'y coller. Oui. Allez-y, René et Christine, on vous écoute. Bien. Tout d'abord, une petite mise au point pour bien cerner ce dont nous allons parler. Peux-tu nous expliquer, Christine, ce que sont ces nouveaux types d'hydrocarbures, gaz et pétrole de schiste, gaz de houille, etc. Alors, on exploitait depuis fort longtemps les gaz qu'on appelait conventionnels. C'était des grosses poches de gaz. En fait, ils s'étaient formés dans une roche et puis avaient migré progressivement jusqu'à rencontrer une roche imperméable. Et ils s'étaient donc accumulés au-dessous de la roche imperméable, ce qui nous donnait de très grosses poches de gaz. On faisait un forage, c'est comme si on avait mis une paille dans la grosse poche et il suffisait d'aspirer. Pour tout ce qui concerne ce qui est emprisonné dans les schistes, le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Alors, bien sûr, on aura du gaz ou du pétrole selon les conditions dans lesquelles il s'est formé, conditions de température, de pression, de temps, dans lesquelles il s'est formé. Qu'est-ce qui est nouveau par rapport au gaz conventionnel? Ce sont des gaz qui n'ont pas migré, ou des pétroles qui n'ont pas migré, qui sont restés prisonniers dans des petites poches dans la roche, dans laquelle ils s'est fermé. Voilà. Ce qu'on appelle les gaz de roche-mère, parce qu'ils sont restés prisonniers de la roche dans laquelle ils se sont formés. On a des gaz de schiste lorsque la roche est du schiste. On a des gaz de houille lorsque la roche est de la houille, comme dans notre région, par exemple. Oui, provenant donc des filons de charbon. Tout justement, à ce sujet, on parle de gaz de mine et de gaz de couche. D'accord. Alors, le gaz de houille, c'est un terme générique pour parler des gaz qui sont issus du charbon. Alors, les gaz de mine sont les gaz qu'on extrait des puits des anciennes mines de charbon. Eux, ils sortent tout à fait passivement et il faut bien sûr les exploiter puisqu'ils pourraient provoquer des coups de grisou et être donc dangereux pour les populations avoisinantes. Ou alors s'évacuer dans l'atmosphère. Ou alors s'évacuer. C'est un gaz à effet de serre. Bien sûr. Ou alors s'évacuer dans l'atmosphère. C'est du méthane. Hein. Le méthane est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le gaz carbonique en moyenne. Hein. Et maintenant, on est en train de s'intéresser à des gaz qui... Ce sont aussi des gaz issus des charbons, mais dans des zones qui n'ont pas été exploitées pour extraire le charbon, et à des profondeurs beaucoup plus grandes. Et la technique d'extraction, cette fois, est tout à fait active. Autrement dit, on sera obligé de faire des forages, selon une technique dont on parlera peut-être tout à l'heure. D'accord. On considère ces hydrocarbures aussi comme non conventionnels parce qu'ils font appel à des techniques relativement nouvelles d'extraction du fait de leur nature. Mm-hmm. Le forage horizontal et la fracturation hydraulique. Peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consistent ces techniques? Alors, pour ce qui est de la fracturation hydraulique, je parle là de gaz de schiste. Oui. Mais il n'est pas... La fracturation hydraulique n'est pas non plus exclue pour l'exploitation des gaz de houille. Et on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de ce qui va se passer dans notre région. Ah oui. Pour la fracturation hydraulique, on fait un puits vertical, en général à une profondeur à peu près comprise entre 4 et 6 000 mètres. Tout et même, puis, oui. On va faire une branche horizontale qui va servir de support pour pouvoir... aller y déposer des explosifs pour fracturer la roche. Ensuite, on va injecter de l'eau additionnée de nombreux produits chimiques pour la faire exploser, cette roche. Alors, de nombreux produits chimiques, dont certains vont servir à maintenir ouvertes les fractures. Pour ça, il faut que l'eau soit un petit peu sous forme de gel, de telle sorte qu'elle puisse rester maintenir les fractures dans cet état-là pendant un certain temps. Ensuite, ce sont les gélifiants. Ensuite, il faudra qu'elle revienne à son état naturel et donc on y met d'autres produits, etc., etc. Bref, on considère qu'il y a à peu près 700 produits chimiques différents dans le liquide d'hydrofracturation. Ah oui, et d'ailleurs justement, pour rappel, le 19 octobre dernier, c'était la journée mondiale contre la fracturation hydraulique, qui est justement la principale cause des risques environnementaux liés de ce type d'exploitation. Et peux-tu justement nous rappeler quels sont ces risques? Les principaux risques sont sur l'eau. À la fois un risque d'épuisement des ressources, puisqu'il y a à peu près 20 000 mètres cubes d'eau par fracturation. Sachant qu'on peut... C'est conséquent quand même. C'est conséquent, sachant qu'on peut fracturer un puits plusieurs fois et qu'actuellement, c'est la course aux puits. Il y a à peu près 500 000 puits aux États-Unis actuellement. Hein. Pas tous en fonctionnement, mais qui ont été forés. Il y a d'ailleurs, pendant les périodes de sécheresse, une concurrence entre les pétroliers et les agriculteurs, ce qui crée vraiment des problèmes. Et puis, un risque lié à la pollution aussi de l'eau. Pollution des nappes phréatiques qui peut être de plusieurs natures différentes, à la fois pollution par le méthane, lui-même, parce oui. que les puits fuient, et on ne peut pas faire autrement, hein. Les molécules de méthane sont à peu près 5000 fois plus petites que toutes les microporosités qui existent entre à la fois entre le ciment et le forage, entre le ciment et le tuyau, etc. Donc forcément les puits fuient, 4 à 8% du méthane s'échappe. C'est le premier risque de pollution des nappes phréatiques. D'ailleurs, si vous avez vu Gazland, à un moment, on voit une dame qui enflamme l'eau qui sort du robinet. Oui, c'était assez spectaculaire. C'est spectaculaire et c'est directement lié à la saturation de la nappe phréatique en méthane. Et puis aussi, un risque de contamination des nappes phréatiques par les produits chimiques employés dans la fracturation hydraulique, parce que le gaz, la roche est fissurée. Et le gaz remonte, mais ne remonte pas forcément par les fissures par lesquelles on lui a dit de remonter. Et donc, le liquide de fracturation non plus. Et il arrive accidentellement, bien sûr, que le liquide soit en contact avec la nappe phréatique. Et puis aussi par les accidents provenant de l'exploitation même, c'est-à-dire provenant du sol. Du stockage des risques des accidentaux, produits, voilà, soit du stockage des produits, soit... D'ailleurs, on a vu un très bon exemple il y a quelques semaines, puisqu'il y a eu une immense inondation dans le Colorado. Il y avait 20 000 puits sous l'eau. Mais non seulement il y avait 20 000 puits sous l'eau, mais il y avait aussi tous les hangars de stockage des produits chimiques. Et surtout tous les bassins de récupération, parce que les eaux de fracturation sont récupérées à peu près à moitié, mais on ne sait pas les retraiter. Donc elles sont stockées. Ah oui, donc il n'y a pas de retraitement, il y a très peu de retraitement. Dans la plupart des cas, il y a un stockage, ce qui pose beaucoup de problèmes, mais notamment celui des inondations, parce que là, pour le coup, tout est parti dans les eaux avec cette inondation. Et aussi, j'ai entendu dire qu'il y avait des risques sismiques. On a constaté une augmentation de la sismicité à peu près partout. D'ailleurs, l'Angleterre avait fait un moratoire d'un an à cause justement des séismes dont le nombre augmentait à proximité des puits de fracturation. C'est le nombre de séismes qui augmente et pas forcément la gravité des séismes qui ont lieu. C'est surtout le nombre de séismes qui est mis en cause. On peut ajouter à ça... d'autres types de dégradations de l'environnement, notamment des hécatombes de la faune locale, notamment les oiseaux et poissons. Les élevages également. Les élevages sont surtout touchés parce que les animaux boivent l'eau des nappes phréatiques. Oui, mais j'avais entendu dire que les séismes eux-mêmes, libérant des gaz toxiques, ont tué beaucoup d'animaux sauvages, en fait. Voilà, ça c'était une deuxième cause de massacre, on peut dire, de la faune sauvage. Mmh. Et il y avait aussi à un moment une hécatombe d'oiseaux. Et on s'était aperçu qu'en fait il y avait eu une libération d'un gaz mortel, H2S, dans un bassin de rétention dû à liquide. Un séisme. En fait, on commence par pomper de l'eau lors d'un forage. On pompe de l'eau qui était emprisonnée à plusieurs millimètres de profondeur. Donc on remonte de l'eau qui contenait des métaux lourds, du soufre, de l'arsenic, etc. Et c'était en fait une... H2S était issu de cette remontée de métaux lourds. Et c'était ça l'hécatombe des oiseaux sur une période donnée. Je crois qu'il y a aussi des éléments radioactifs qui peuvent remonter. Il y a aussi des éléments radioactifs, bien sûr. De grande profondeur jusqu'en surface. Tout à fait, c'est... Et à ceci, on peut ajouter, bien sûr, l'emprise au sol des installations, les puits, les installations annexes, le mitage du territoire par les routes, les conduites, plus les nuisances sonores, le trafic des véhicules et l'impact visuel, bien sûr, sur les paysages de toutes ces installations. Bien sûr, d'autant qu'avec la course aux puits qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis, plus on a de puits, plus on multiplie à la fois les impacts sonores, les impacts visuels, l'emprise au sol, etc. Et bon, les États-Unis s'étant lancés les premiers dans ce type d'exploitation, donc ça fait environ une dizaine d'années, maintenant on constate que ce ne sont plus des risques, c'est la réalité, quoi. Il y a des agences environnementales qui commencent à reconnaître le lien entre la fracturation hydraulique et les dégâts comme la pollution des nappes phréatiques, etc. Mais il n'y a pas d'estimation vraie puisque le gouvernement ne veut pas reconnaître. On n'a pas, disons, un bilan global de l'ampleur de la dégradation. Non, c'est-à-dire que pour minimiser l'impact, on a changé les normes. On a réduit les normes et comme ça, ça ne pose plus de problème. Mais également au plan économique, alors l'exploitation de ces hydrocarbures apparaît bien sûr de plus en plus comme une absurdité. Après la période d'euphorie où on disait que la fin du pétrole et du gaz était repoussée dans un lointain avenir, où les États-Unis annonçaient leur indépendance énergétique, voire ils envisageaient de redevenir exportateurs. Je crois qu'on commence à déchanter maintenant. On voit beaucoup de problèmes liés à la production elle-même. À la fois, les puits ont une rentabilité très courte, ont une rentabilité très forte au début et qui s'amenuise très très très rapidement. On estime à peu près à 15 ans la durée de vie d'un puits, du moins l'exploitation rentable du puits. Aussi, les États-Unis se sont lancés dans une folle course au puits. Alors, l'exploitation était à peu près rentable pour les pétroliers au début, puisqu'ils ont eu pas mal d'exonérations fiscales et de subventions. Oui. Ils avaient largement surestimé les ressources, ce qui fait qu'ils obtenaient des puits assez intéressants. Ce qui a provoqué un boom de l'exploitation des gaz de schiste et donc une très forte baisse des prix du gaz. Oui, du fait que c'est un marché qui réagit à l'offre et la demande. Voilà, aux États-Unis, la fixation du prix du gaz n'est pas la même qu'en France. Du coup, l'exploitation est devenue beaucoup moins rentable pour les pétroliers. D'ailleurs, certains commencent à quitter les États-Unis. C'est notamment le cas de Total qui abandonne petit à petit ses parts de marché aux États-Unis. D'accord. D'ailleurs, De Margerie nous a dit très clairement en France que le prix du gaz ne devait pas trop baisser ou sinon l'exploitation ne serait pas rentable. Oui, oui, entendu. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle la bulle gazière déjà, qui va finir par se heurter au mur de la réalité. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre bientôt à un crash financier, à une série de faillites des sociétés gazières? Un crash financier, je ne peux pas prédire un crash financier, j'en sais rien. En tout cas, ça devient de moins en moins rentable pour les entreprises. Elles sont de plus en plus surendettées et ça ne peut donc pas perdurer à l'infini. De plus, elles ont surestimé les ressources. Ça se voit partout dans le monde. Hein. En Pologne, ils ont commencé à exploiter. Dès les premiers forages, ils ont divisé par 10 leur estimation de la ressource. Donc, on voit très bien qu'ils surestiment partout les ressources. Ça ne peut durer qu'un temps très limité aussi. On surestime pour attirer les investisseurs, faire monter la valeur boursière de la société. Exactement. Bon, mais un jour, on se heurte au mur de la vérité. Ah, c'est sûr. Donc, en conclusion, on peut dire que l'exploitation des hydrocarbures de schiste aux États-Unis est le reflet de l'économie de notre époque. C'est une économie de pillage, à la recherche de profits rapides et sans lendemain, absurde, prédatrice, destructrice non seulement de l'environnement, mais également de la société et de l'économie elle-même. On va faire une pause musicale. ...1945. Victoire sur l'occupant nazi. La France se reconstruit. Le nouveau gouvernement adopte ses premières mesures. Il reprend le programme du Conseil national de la résistance. Les entreprises ayant collaboré deviennent propriété de l'État. Les travailleurs accéderont à un système de retraite et de sécurité sociale. Les grands moyens de production de l'énergie reviennent à la nation. Électricité et gaz deviennent services publics. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent, les actionnaires, et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Jus et gaz à tous les étages, dans les grandes villes ou les villages. Pour tous, c'est le tarif unique, ça veut dire ça, service public. L'égalité entre usagers, le confort, la sécurité, c'est le cadet de leurs soucis, à ceux qui dirigent le pays. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent. Les actionnaires et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Le prix du gaz a augmenté et bientôt il va exploser. C'est pour ça qu'ils veulent la fusion, pour faire grimper les actions. Pendant ce temps, moins d'entretien sur les tuyaux, sur les conduites. Accident et panne, ça revient. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de fuite. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent. Les actionnaires et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. La liberté change de nom, on dit libéralisation. Ils licencient, délocalisent, en nous disant que c'est la crise. À force de nous dégoûter, de tout casser, privatiser, c'est sûr un jour, ça va péter. Auront prévenu les gaziers, le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent. Les actionnaires et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Gazier, usage et même combat pour nos enfants et pour nos droits. La lutte n'est jamais finie, les requins ont gros appétit. Si on veut leur faire boire de la tasse, pratiquons la lutte de classe. Puisqu'ils l'ont déjà commencé, y'a pas le choix, faut riposter. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent. Les actionnaires et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. Le bien commun, la belle affaire, ils s'en tamponnent. Les actionnaires et le nouveau sport des requins, vendre ce qui nous appartient. La seule chose qu'ils ont oubliée, on ne la fait pas au gazier. La seule chose qu'ils ont oubliée, on est tous avec les gaziers. On est tous avec les gaziers. Fin de la pause musicale. Vous nous avez parlé beaucoup des États-Unis, des problèmes américains qui sont effectivement considérables, puisque je crois que New York risque d'être touché relativement rapidement. Et si on parlait un peu de chez nous, de l'Europe ? Oui, et plus particulièrement de la France, peut-être, puisqu'elle recèlerait avec la Pologne, si toutefois on peut encore se fier aux chiffres, les plus importantes réserves de gaz de schiste d'Europe. Elle disposerait également, avec le bassin parisien, notamment de grandes quantités de pétrole de schiste. De quoi aiguiser les appétits, bien sûr. Quelles sont les principales régions concernées par l'exploration et l'exploitation ? Ah, pour le pétrole de schiste, c'est essentiellement l'est du bassin parisien. Oui. Notamment la Seine-et-Marne. D'ailleurs, il y a un forage qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps en Seine-et-Marne, à Jouarre plus exactement. Le gaz de schiste, c'est plutôt tout le sud de la France, avec certains permis qui ont été annulés d'ailleurs, et ça a fait grand bruit. La région de... Enfin, le Gard, la région... Oui, c'est ça, le Gard. Et puis, le gazoduc dans le bassin lorrain, notamment le bassin lorrain, et chez nous, le bassin du Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Peux-tu nous faire un petit historique des événements en France? Ça a commencé donc il y a quelques années avec le gouvernement Sarkozy qui envisage l'exploitation de ces hydrocarbures non conventionnels et qui décide de lancer les premières campagnes d'exploration. Et ensuite, comment... Ça a surtout commencé dans l'ombre, avec des permis qui ont été attribués dans le silence le plus total, puisque les gens ont découvert les permis quand ils étaient déjà accordés. Oui. Donc c'était un petit peu... curieux. Tout de suite, il y a eu vraiment une très grosse réaction de la population, notamment dans le sud, avec les manifestations de Villeneuve-de-Berg, de Doubs en région parisienne, et, etc. Et puis, il y a eu parallèlement une très grosse campagne des lobbies pétroliers aussi, qui promettait des emplois, oui. Une richesse retrouvée, oui, avec, une, avec des industries qui allaient venir se réimplanter, etc., etc. Et justement, puis, il y a quelques vérités assénées que je voudrais un peu remettre au point aussi. Mais si tu peux, c'est-à-dire, si tu peux peut-être terminer l'historique rapidement. Alors l'historique, ben, il y a eu donc la loi Jacob. Alors il y a eu devant ce déferlement de contestation, il y a eu une loi pour interdire la fracturation hydraulique. Le problème, c'est qu'elle n'est pas parfaite, puisqu'elle interdit la fracturation hydraulique pour l'exploration et pour l'exploitation, mais pas pour l'expérimentation, ce qui va nous poser problème dans le Nord, d'ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure. Les lobbies pétroliers ont bien sûr commencé à attaquer cette loi de toutes parts. Notamment, il y a la compagnie Chouba qui avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Oui. Justement, à ce sujet, oui. Le Conseil constitutionnel récemment a considéré justement que la loi Jacob n'allait pas à l'encontre de la Constitution. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même. C'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. C'est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, la loi Jacob, comme je disais tout à l'heure, est imparfaite. Et elle ne nous garantit absolument pas qu'il n'y aura pas de fracturation hydraulique sur le territoire. Et quand bien même les techniques qu'on nous présente comme light font aussi pas mal de dégâts environnementaux, donc elle est certes, elle nous protège de la fracturation hydraulique pour une petite part, mais il reste beaucoup à faire. Oui. Eh bien justement, j'en viens à ces affirmations que je voudrais un peu remettre au point. Alors, bon, on a vu pour la baisse du prix du gaz, certains prétendent encore en France que ça pourrait faire baisser le prix pour le consommateur. Mais comme tu l'as dit, Christophe de la Margerie, il a été très clair. On peut lui reconnaître une certaine franchise. Ça n'est pas envisageable en Europe et particulièrement en France. Pour quelle raison? C'est parce que notre marché du gaz est différent de celui des États-Unis déjà. La première raison, c'est effectivement que le marché du gaz est différent en France. D'abord parce que le prix du gaz est indexé sur celui du pétrole. Oui. Donc il n'a pas un cours variable comme aux États-Unis. Il ne suit pas la loi de l'offre et de la demande. Et puis surtout parce qu'on ne va pas faire 500 000 puits de forage en France. Parce qu'on, déjà, on n'a pas la place. Et puis parce que les régions sont beaucoup plus densément peuplées qu'aux États-Unis. Oui, c'est une raison aussi. Donc de toute façon, l'exploitation ne sera pas la même. Voilà. Mais le maintien d'un prix élevé du gaz, ça annule le fameux argument de la compétitivité retrouvée de nos industries, en fait. Oui, la compétitivité retrouvée de nos industries, moi je ne pense vraiment pas qu'elle passera par l'exploitation du gaz de schiste. Mm-hmm. Elle pourrait peut-être passer par la transition énergétique, oui, mais pas par l'exploitation du gaz de schiste. Moi aussi. Mais on avait commencé un historique, on ne l'a pas terminé. On en était resté à l'interdiction de la fracturation hydraulique, oui. Mais il y a eu aussi après un double discours du gouvernement Hollande sur l'exploitation des gaz de schiste. Oui. Lors de la conférence environnementale de 2012, François Hollande avait annoncé l'abrogation de 7 permis. Oui. C'est très peu, en fait. C'est très peu parce que. Voilà, c'est très peu. C'est occulter le fait qu'il en reste 61. Hein, 61 permis accordés et 112 demandes en cours. Et puis en septembre, alors qu'il avait dit dans le Gard cet été que lui, président. Il n'y aurait pas de fracturation hydraulique, il n'y aurait pas d'exploitation de gaz de schiste en France, mais il continue à distribuer des permis, puisqu'il a de nouveaux permis qui sont apparus en septembre. Donc un discours complètement double, entre d'un côté, je n'abroge pas les permis, mais j'interdis complètement la fracturation, mais j'interdis quand même la fracturation hydraulique, et ça, ça a une conséquence, et la conséquence, c'est que les pétroliers vont s'engouffrer dans la brèche et soit, comme on l'a vu avec la compagnie Schubach qui demandait 1 milliard d'euros à l'État, faire des procès à l'État au fait même, sur le fait même qu'ils ont des permis et qu'ils ne peuvent pas les exploiter. Ou alors, ils vont s'engouffrer dans une autre brèche, c'est celle de demander des puits d'expérimentation, auquel cas ils peuvent effectivement fracturer. Et quand c'est fracturé, le gaz s'échappe, on peut exploiter. Donc c'est un double discours du gouvernement qui mène dans une impasse, d'accord, en fait. Encore, justement, au sujet de l'emploi, on a avancé des chiffres prometteurs. Mm-hmm. Qu'en est-il exactement ? Parce qu'en fait, comme un puits de gaz dure, demande un certain nombre d'employés pour sa création, ensuite, le gaz jaillit tout seul. Donc, alors, on a eu un entretien avec le président d'OGL, qui est la société qui va faire l'exploration dans le Nord, et de l'aveu même du président de GL, c'est 4 emplois par puits, le temps de la mise en place du forage, et ensuite c'est 1,2 à 1,4 emplois par puits. Si, comme le disent certains, on veut créer des milliers d'emplois, alors il faut des milliers de puits. Ce qui n'est pas souhaitable, et ce qui d'ailleurs est impossible en France. En France, d'accord. Justement, tu parles de la région Nord-Pas-de-Calais, mmh. Et bien nous allons aborder justement ce qui concerne notre région, c'est-à-dire le gaz de couche, plus particulièrement. Le gaz de couche dans notre région. Oui. Alors, quels sont donc les périmètres concernés par les permis ? Alors, on a une concession historique qui avait été délivrée à Gazonord à la fin de l'exploitation des mines de charbon, justement pour pouvoir prendre en charge ce problème de gaz de mine qui s'échappait des mines. Là, c'était pour le gaz de mine. C'était pour le gaz de mine. Qui ne pose pas problème. Sauf qu'actuellement, la concession arrive à terme, mmh. Et il y a là maintenant une enquête publique sur le renouvellement de la concession accordée à Gazonord. Des deux concessions d'ailleurs, parce qu'il y en a deux, sur le gaz de mine. Sauf que, on y voit, dans l'enquête publique, qu'on est allé lire bien sûr, on y voit apparaître les objectifs à moyen terme de Gazonord. Les objectifs à moyen terme de Gazonord, c'est exploiter le gaz de couche. C'est clairement dit dans l'enquête. Exploiter le gaz de couche pour faire de petites unités de production d'électricité sur tout le territoire, oui, du bassin houillé, c'est-à-dire... La concession qui couvre 700 km², aux alentours de Lens, on dira pour faire simple, Lens, c'est ce qui est au nord d'Avion, Dijon, etc. 1400 km², l'ensemble. Non, la concession c'est 700 km². Ah oui. Et l'ensemble, d'accord. Ensuite, en dessous de la concession, au sud de la concession, pardon, on a le permis du Sud-Midi, qui va d'Arras jusqu'au bout de la concession, jusqu'un petit peu à l'ouest de Valenciennes. Et ça, c'est en dehors de l'ex-bassin minier. C'est pas en dehors de l'ex-bassin minier, c'est en dehors de la concession, oui, accordée, oui, pour l'exploitation, d'accord, des gaz de mine. Ça, c'est le permis du Sud-Midi, qui lui aussi fait à peu près 700 km². Ensuite, à l'est de la concession, on a le permis du Valenciennois, qui fait un petit peu plus de 400 km², au nord de Valenciennes. Donc ça représente quand même au total plus de 2000 km². Si. Et c'est pas fini, puisqu'on a un troisième permis qui était en cours de demande et qui vient d'être mis en concurrence européenne pour une durée de 90 jours. Il va de la fin du permis du Sud-Midi jusqu'à la frontière belge. Ce qui représente quand même une sacrée bande, en ligne droite à partir du nord de Cambrai. Nord-Cambrai. C'est Nord-Cambrai. D'ailleurs, il s'appelle le permis Nord-Cambrai. Oui, donc c'est des, quand même l'ensemble de tout ça, c'est 3000 km². D'accord. Donc sur 3000 km², on peut quand même faire des trous. Mm-hmm. Justement, tu parlais du projet de centrale électrique de... Ce n'est plus Gazonord d'ailleurs maintenant, c'est EGL ou... Alors, ce n'est pas exactement ça. Gazonord a été acheté par EGL en 2007. EGL est une société à l'origine australienne. C'est elle d'ailleurs qui fait les puits de forage en Lorraine. Ah oui. C'est elle qui détient les permis de forage en Lorraine. qui a eu encore un nouveau permis en septembre, d'ailleurs, en Lorraine. EGL a eu des difficultés financières et a revendu le groupe Gazonor à un groupe belge qui s'appelle Transcor, dont l'un des principaux actionnaires est Albert Frère, qu'on connaît bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est une société qui est un groupe financier. Elle vend, elle achète du transport et d'énergie. Donc, elle n'a pas de capacité technique pour faire de l'exploration. Donc, c'est EGL qui fera les puits de forage. Et s'il y a exploitation, c'est Gazonor qui exploitera. D'accord. Je vois. D'ailleurs, récemment, le gouvernement a décidé d'un tarif d'achat bonifié de l'électricité produite à partir du gaz de houille. Tout à fait. Ce qui est un tapis rouge déroulé à EGL. Tout à fait. Alors, voilà. EGL, déjà, a un partenariat avec la faculté de Nancy. Donc déjà, à mon avis, des subventions de ce côté-là. Ensuite, EGL a eu quand même pas mal de financement de la région Lorraine. Et puis, on voit apparaître une subvention à l'électricité issue du gaz de mine. Du moins, c'est présenté comme ça par le gouvernement. Or, on sait très bien que le gaz de mine, il y en a de moins en moins. D'ailleurs, l'un des deux captages de gaz de mine est fermé jusqu'en 2017 pour laisser réaugmenter la pression parce que le gaz de mine, le rendement diminue énormément. C'est donc paradoxal d'aller créer maintenant des unités de production d'électricité sur tout le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr, il s'agit d'aller exploiter le gaz de couche. D'ailleurs, c'est clairement dit dans l'enquête publique. On avait compris. Donc, notre subvention à l'électricité issue du gaz de mine, elle va se transformer sur nos factures d'électricité au titre de la CSPE quand même, qui était censée financer les renouvelables. Elle va se transformer en financement des puits de forage pour le gaz de couche. Bien, d'accord. Et ben voilà de quoi animer votre association, où il y a du travail. Vous avez tenté de mobiliser la population. Donc au départ, il y avait deux collectifs qui se sont regroupés pour former donc, le collectif Ouyouyouy, non au gaz de couche, dont tu es une militante très active. Donc le 19 octobre, vous avez quand même rassemblé plus de 150 personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire de la prise de conscience de la population ici dans notre région ? Je vais vous donner un exemple très bête et vous allez comprendre tout de suite la prise de conscience. Sur le puits de forage, c'est-à-dire sur Divion, puits de forage qui est autorisé, hein, donc qui va avoir lieu. On est allé tracter pour faire une réunion tout près, à Bruay, dans le village voisin, parce qu'on n'avait pas eu de salle à Divion. Et en tractant, on s'est aperçu qu'aucun habitant de Divion n'était au courant. Donc la prise de conscience, encore faudrait-il qu'il y ait une information pour qu'il y ait prise de conscience. Oui, donc on l'a fait sur le permis du Valenciennois, il y a un collectif qui est en route, ça marche. Oui. Mais c'est un travail de longue haleine, ça a nécessité des dizaines de réunions. On est en train de recommencer de ce côté-là, mais c'est vraiment très long. Oui. Et la position des élus locaux en général ? À la position des élus locaux ? Les deux communes qui ont été choisies pour l'autorisation de ces deux forages sont des communes communistes et ils sont pour le projet d'exploitation des gaz de houille dans la région. D'accord. Eh bien... Bon, on va terminer là-dessus. Oui. C'est merci. Pas une note particulièrement optimiste sur la mobilisation qui n'existe pas et pour cause. Effectivement, il y a eu des rapports et puis Christian Bataille du Parti Socialiste avait soutenu effectivement l'exploitation du gaz de schiste là, puisqu'il était allé en Pologne. Bien, ben, bon courage Christine avec ton association. Merci. Et merci, d'être venu par nous. Bien, après cette courte pause, on va passer aux lectures. C'est Benjamin qui va s'y coller, il va nous parler des économistes atterrés. Je rappelle simplement qu'on a reçu déjà deux économistes atterrés depuis notre nouvelle saison, Laurent Cordonnier et Jean-Marie Arribé. Peut-être que tu vas nous le redire d'ailleurs. Exactement. Donc aujourd'hui, nous vous conseillons la lecture du livre « Changer d'économie, des économistes atterrés » à 9 euros seulement pour 300 pages dans la collection Babel. Et oui, comme son nom l'indique, on peut être économiste et atterré, c'est-à-dire penser que d'autres politiques économiques sont possibles. Ainsi, les économistes atterrés est un collectif de chercheurs, universitaires en économie, regroupés avec d'autres citoyens non économistes en association, dont l'objectif est d'entretenir une réflexion rompant avec le paradigme dominant qu'est la pensée néolibérale. Ce livre est donc le fruit du travail de 27 de ces économistes, comme par exemple Henri Stardignac, Jean-Marie Arribé que nous avons reçu le mois dernier, ou encore Mireille Bruyère, Thomas Coutreau et les autres. Je m'arrête là, je ne vais pas tous vous les citer. Depuis 2012, l'économie européenne n'est pas au mieux, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, sous la pression des politiques d'austérité des gouvernements européens, l'Europe s'est enfoncée dans la récession. Dans ce contexte, les économistes atterrés, peu écoutés par les décideurs publics, s'invitent dans le débat et attaquent sur tous les fronts. Ce livre, on ne peut plus pédagogique, est divisé en 11 articles, reprenant des enjeux économiques et sociaux centraux. Nous allons ici reprendre 3 articles du livre. Quelle politique économique, mort et renaissance du keynésianisme, ou encore éloge de la dépense publique, et enfin, pour une nouvelle fiscalité. Dans le premier article cité, l'auteur, Henri Stardignac, nous explique le passage historique entre le capitalisme fondé sur le compromis fordiste qui a marqué les Trente Glorieuses vers le capitalisme financiarisé actuel. Changement de paradigme qui s'est développé dans le début des années 80 grâce à nos amis Margaret Thatcher et Ronald Reagan. En quoi cela consiste ? Tout simplement en brisant la capacité de résistance des travailleurs, en modifiant le marché du travail en faveur du capital, en organisant la contraction des dépenses publiques et de son corollaire, les impôts. Mais cela se traduit également par la reprise du pouvoir des actionnaires sur la direction des entreprises, actionnaires mus par un désir de toujours plus de dividendes et non par un toujours plus d'investissement. Je ne vous en dis pas plus. Mais comme le souligne l'auteur de l'article, ce qui a été construit peut être déconstruit. Ainsi, d'après lui, des solutions existent. Ce n'est pas la fatalité que l'on nous rabâche. Pour cela, il faut rompre avec le dogme néolibéral et revenir à des politiques économiques keynésiennes. Mais il faut aussi briser la domination de ce capitalisme financier. Dans un autre article, Éloge de la dépense publique, l'auteur, Christophe Rameau, s'attaque à l'idée que le secteur public serait improductif, pèserait sur les entreprises par ses prélèvements, etc., etc. En effet, les gouvernements, depuis 2007, se concentrent sur une politique de baisse des dépenses publiques pour rassurer ces marchés financiers et baisser leur dette publique. Mais pour l'auteur, la dépense publique reste fondamentale et grandement nécessaire pour le bien-être et l'emploi. À attaque, nous n'en doutons pas. Premièrement, la dépense publique est indispensable au secteur privé, de par le système éducatif, une main-d'œuvre qualifiée donc, une recherche de pointe, des infrastructures de qualité, comme les routes, les chemins de fer, le réseau électrique. Mais en plus de ça, les dépenses de transfert, c'est-à-dire les retraites ou encore les allocations chômage, soutiennent l'activité économique des entreprises en leur ouvrant des débouchés. Ainsi, les pays qui ont l'État social et non ce que certains appellent l'État-providence touché par la grâce de Dieu, le plus développé, résistent mieux aux chocs économiques. Autre argument, le fonctionnaire est productif et en plus, il contribue au PIB. Ainsi donc, le fonctionnaire produit une valeur d'usage, soit l'utilité de la santé ou de l'enseignement, mais participe au PIB à hauteur de ce qu'il coûte, c'est-à-dire à hauteur de son salaire, ni plus ni moins. Pour résumer, le fonctionnaire permet d'augmenter le PIB, créer de la valeur d'usage et réduit les inégalités par le biais de son service ouvert à tous, d'intérêt général et financé par un impôt en partie progressif. Bonne transition pour notre prochain point qui concerne l'article de Philippe Léger pour une nouvelle fiscalité. L'impôt est actuellement vu comme décourageant les travailleurs de travailler, les épargnants d'épargner et encore plus les capitalistes d'investir. En un mot, l'impôt, c'est mal. Vous vous rendez compte, le taux de prélèvement obligatoire, la fameuse pression fiscale, représente en 2009 42% du PIB, soit 3 points de plus que la moyenne des pays de l'Union européenne. Mais ce chiffre reflète des réalités bien différentes. En effet, dans les pays où cette horrible pression fiscale est plus faible, les ménages doivent s'assurer auprès d'assurances privées pour la retraite ou encore la maladie. Le coût supplémentaire revient donc aux ménages, et celui qui ne peut pas, eh bien, tant pis. Au-delà de ça, cet article a l'intelligence de nous signaler certaines mesures fiscales qui ont largement bénéficié aux plus riches, comme le nombre de niches fiscales, passé de 300 en 1980 à 500 en 2011, sans compter celles effacées des listes, pour un montant total de 148 milliards d'euros. En guise de comparaison, le déficit de la caisse des retraites, c'est 20 milliards. Ou encore ce que l'auteur nomme justement le sabotage de l'impôt sur le revenu, avec par exemple un nombre de tranches passant de 13 en 1986 à seulement 5 en 2013. Je m'arrête là, c'est écœurant. Si vous aussi vous êtes atterré, je vous invite à vous procurer le livre « Changer d'économie » à la collection Babel, par les économistes atterrés donc, pour 9 euros seulement. à se procurer dans une bonne librairie, comme celle rue Vamy à Lille. Voilà, super conviction à chevillée au corps. Et, mais je crois qu'effectivement, la lecture s'impose. Et puis, ça peut se lire lentement. C'est 11 articles qu'on peut lire par le détail. On va passer à Florent, qui va nous parler des rendez-vous militants. Oui, bonjour. Donc, deux gros événements dans la métropole lilloise au mois de novembre. Du 25 au 30 novembre, c'est la semaine pour l'égalité et contre le racisme sur le thème « Quelles leçons tirer des expériences des luttes passées ?» C'est organisé par le Front uni des immigrants et des quartiers populaires et devoirs d'insolence. En ouverture, une conférence débat au cinéma L'Univers le lundi 25 novembre à 20h, ainsi qu'à la maison de quartier Vauban à 20h sur les luttes des OS immigrés et celles des sans-papiers, des Roms et des migrants. Également pendant cette semaine, deux événements dans la rue, une manifestation pour le féminisme, place de la République le jeudi 28 novembre à 18h et la marche des dominés de Lille à Roubaix le samedi 30 novembre, départ place de la République 14h. Autre événement important à Lille qui a déjà commencé, c'est Cité Philo du 6 au 26 novembre. Il y a une sélection de conférences sur Démosphère Lille et à ne pas manquer le vendredi 22 novembre à 19h30 à l'IEP, rue Trévis à Lille, la Société des Affects pour un structuralisme des passions avec Frédéric Lourdon et présenté par Laurent Cordonnier. Vous comprendrez le lien avec l'économie libérale. Également à l'IEP, ATD Quart-Monde organise une université populaire sur la question du vivre ensemble. Donc cet après-midi à 14h30, des personnes roms, des membres d'ATD ainsi que des étudiants seront présents pour débattre et discuter de la question. Le mercredi 20 novembre à 20h30, les Amis du Monde Diplomatique proposent à l'AMRES une discussion sur le TGV Nord, succès et zone d'ombre, 20 ans après son inauguration. Une soirée d'échange avec Marc Leleu, auteur du livre « Histoire des sans-travail et des précaires du Nord ». Ça sera le vendredi 22 novembre à 19h30. Il revient dans ce livre sur l'histoire des sans-travail et précaires et des enjeux démocratiques qui s'y rapportent. Et donc c'est au LAG avec Colère du présent à Liévin. Dans le cadre de la semaine et de la solidarité internationale qui a lieu du 16 au 24 novembre sur l'agglomération Lens-Liévin, venez juger les banques, le tribunal populaire des banques. Une représentation théâtrale interprétée par la troupe d'acteurs amateurs d'Attaque l'Île-de-France aura lieu le samedi 23 novembre à 16h, salle Hubert Janzy, rue Chanzy à Liévin. Le samedi 24 novembre, projection au cinéma L'Univers de No Burka Behind Bar, en français, pas de burqa derrière les barreaux, organisé par Sud Éducation sur une prison pour femmes en Afghanistan. Le jeudi 28 novembre à 19h, à l'AMRES, Virage Énergie présentera les scénarios de sobriété énergétique et transformation sociétale publiés en ligne depuis fin septembre 2013. Le vendredi 29 novembre, la Maison des syndicats CNT propose une rencontre débat sur le dernier numéro de la revue pédagogique contre le sexisme. Et dans le cadre du cycle « L'emprise numérique, comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies », organisé au LAG, lieu autogéré à Liévin, un troisième débat est organisé samedi 7 décembre à 10h et est consacré à l'invasion des nouvelles technologies en milieu scolaire avec comme intervenant Florent Gouguet. Et dans un mois, le lundi 16 décembre à 20h, une discussion sur les nouveaux types de combats a lieu au cinéma L'Univers et organisée par Histoire d'en parler. Avec Internet, de nouvelles formes de combats et de protestations sont apparues et sont devenues très populaires, Avaz, Les Indignés, Anonymous, etc. Nous discuterons de leurs actions et de leurs résultats. Et avec deux projections du film « Les jours heureux » de Gilles Perret, auteur entre autres du documentaire « Ma mondialisation », on reviendra cette fois sur les anciens combats lors de la Résistance. Ça sera le jeudi 21 novembre 20 à 20h30 au cinéma Le Métropole avec Léon Landini, résistance FTP-MOI. Et le jeudi 28 novembre à 20h au Méliès de Villeneuve-d'Ascq avec Stéphane Pierrot, monteur du film. Merci, vous pouvez retrouver toutes ces dates sur lille.demosphere.eu et à dans 4 semaines. Ok, merci les amis. On se retrouve lundi après-midi à la Mresse qui sera repeinte pour notre rendez-vous ouvert à tous citoyens pour re-questionner et approfondir les thèmes d'aujourd'hui. Nos rendez-vous citoyens sont à 19h à la Mresse. Bon après-midi. Banane arrive chez Reine-Courge. nous organisons comme chaque année la traditionnelle fête de l'été. Et je vous apporte des invitations de la part de Sa Majesté Citron. Officiellement, vous êtes conviés comme tous les ans. Nous allons chanter et nous espérons qu'il y aura là toutes sortes de légumes qui soient. Concombre et fenouil, potiron, citrouille, piment, brocoli, radis, radis gris, fèves et haricots, tomates, poireaux, patates, carottes, oignons, échalotes, navets, chou-fleur, petits pois, endives, asperges, aubergines, artichauts, courgettes, salades, etc. Bref, tous les légumes, même les inconnus. Bref, tous les légumes, même les inconnus. On boira la cervoise de sèche-fille, ça donne la patate pour danser la gigue. Les musiciens jouent pendant toute la nuit des refrains connus. Salade de fruits, jolie, jolie. Et tous les standards du bal potager, il y aura les jeunes et les plus âgés. Et nous espérons que pour cette année, les légumes viendront fêter l'été. Concombre et fenouil, potiron, citrouille, piment, brocoli, radis, radis gris, fèves et haricots, tomates, poireaux, patates, carottes, oignons, échalotes, navets, chou-fleur, petits pois, olives, asperges, aubergines, artichauts, courgettes, salades, etc. Bref, tous les légumes, même les inconnus. Bref, tous les légumes, même les inconnus. Je suis flatté de votre invitation. Malheureusement, comme vous le savez, l'été est pour nous la morte saison. Je me vois obligé de refuser. Non pas que l'idée en soi ne m'arrête, mais jamais mon peuple ne fait la fête. Hors saison du froid, du vent, de la neige, à ses yeux l'été est un sacrilège. Pomme, poire et prune, abricot, raisin, ananas, fraise, orange, cerise, noisette, kaki et noix de coco, fruits de la passion, goyave, melon, pamplemousse, banane, mandarine, clémentine, papaye, cassis, groseille, nectarine et mangue, etc. Bref, tous les fruits, vous gigueraient sans nous. Je vous remercie d'avoir pensé à nous. Bref, tous les fruits, vous gigueraient sans nous. Je vous remercie d'avoir pensé à nous.